mais quand on leur dit ils sont à forme, l'hypocrisie en somme, toujours la même zone. Je prends microphone, trop de mal déconne, c'est le mal qu'ils causent. Mais quand on leur dit ils sont à forme, l'hypocrisie en somme, l'hypocrisie en somme, c'est toujours la voix qui sonne. Dans ce genre de cas, y'a pas de prud'homme, de vie tu déraisonnes, t'es nombreux sur la mauvaise donne. C'est pas pour tout ce que tu donnes, encore moins pour tout ce que tu moissonnes. Et pourtant, il faut rester mal militant, aller toujours de l'avant, protéger tous les enfants, man c'est le plus important. Priez déjà le tout puissant, s'écarter de Satan, man je te le dis maintenant. Sonde non d'ignorant, durant toutes ces années. Sonde a priori, et ne pas leur bafouer. Là où la voix a pris le pas sur l'ethnomane, là où son histoire inconnue trop de peut-être nos. La scène de leur volte monte en toi, la graine de la haine germe dans ton esprit. Prie pour la verme te sauve dans cette vie, où la verme et l'envie t'aideront pas à pas. Les sublimes arrachent les scènes sur ta feuille, des faces conscientes et sages qui feront ton deuil de toutes ces années passées à douter de toi, de ton âme, de tes amitiés. Toujours la même zone, je prends microphone, trop de mal déconne, c'est le mal qu'ils consomment. Mais quand on leur dit ils sont à fond, l'hypocrisie en somme. Toujours la même zone, je prends microphone, trop de mal déconne, c'est le mal qu'ils consomment. Mais quand on leur dit ils sont à fond, l'hypocrisie en somme. C'est le grand phénomène, en vitrine toute la semaine, le piège de ce dilemme, c'est qu'il nourrit toutes les peines. Ramène toujours plus de haine, mais ça ne vaut pas la peine de troquer ta vie pour récolter ce type de gangrène. Vivent bien puisque c'est pas le match qu'ils s'aiment. Ils se sont perdus, ne font plus rien à l'ancienne. À sourire pour ce système, je ne crois pas en fait qu'ils s'aiment. N'attends pas à ce qu'ils la ferment, même si tu sais. On récolte ce que l'on sème, là où ils te regardent, et c'est combien qu'il faut qu'on s'aime. On récolte ce que l'on sème, alors cultive ton espoir et laisse parler leur engaine. On récolte ce que l'on sème, au carême n'est-il le soir, alors brûle leur chaîne. On récolte ce que l'on sème, oh. Écoute ça, hey. Toujours la même zone, je reprends microphone, trop de mal déconne, c'est le mal qu'ils consomment. Mais quand on leur dit ils sont à fond, l'hypocrisie en somme. Toujours la même zone, je reprends microphone, trop de mal déconne, c'est le mal qu'ils consomment. Mais quand on leur dit ils sont à fond, l'hypocrisie en somme. Toujours la même zone, je reprends microphone, trop de mal déconne, c'est le mal qu'ils consomment. Mais quand on leur dit ils sont à fond. Contre tous les hypocrites, tous ceux qui ont un sourire d'ange et pensent mal de toi. Hey, développe un tunity crew, toujours contre l'adversité. You know?